Ah, les connards, ils ont même légiféré là-dessus. Ah oui. Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien ou mal, hein? Qui? Et alors là, où je les emmerde, toi? Ce qu'ils interdisent, c'est que je la fume pure. Et l'hiver, je me chauffe au vin. Ah, vous avez la belle vie. Ouais, ça fait réfléchir. Mais oui, non, mais bien sûr, ça fait réfléchir. Mais à quoi? Pauvre cul. L'argent, c'est une drogue pure. Qui pue? Je suis pour l'abolition de l'argent. Pour moi, c'est la dégradation de l'homme libre. Vous avez vos ordres personnels. Alors, vous avez sacrément la trouille de tout, non? Pontin, on se plie, et bien moi, non, je ne suis pas pliable, voilà.